Bonjour à toutes et tous et merci d'être à l'écoute de Radioactive pour un nouveau mag. Aujourd'hui, on va parler sport dans cette émission et d'une initiative impulsée par la mission locale Loire-Touraine qui consiste à proposer des séances de coaching sportives aux jeunes, car tout un chacun sait ô combien être bien dans sa tête passe par être bien dans son corps. Nous nous sommes rendus ce jeudi 28 novembre au dojo de la Verrerie à Amboise pendant le déroulement d'une séance de body combat encadrée par Stiviano, un éducateur professionnel. Reportage tout de suite sur notre antenne. Emmanuel Gauthier, vous êtes responsable de secteur à la mission locale Loire-Touraine. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui et quelle est cette musique qu'on entend derrière nous ? Eh bien non, ce n'est pas la boum pour mes 18 ans. Effectivement, c'est la deuxième séance d'un projet sport qu'on vient juste de faire démarrer au mois de novembre pour la mission locale, un projet de sport pour les jeunes. Alors quel est l'intérêt de ce type de projet ? L'intérêt, peut-être déjà dire qu'on a constaté, nous, depuis pas mal de temps déjà, que les jeunes étaient soit isolés, soit derrière leurs écrans, pas toujours très mobiles, et pour autant, on sentait bien qu'ils avaient envie de se bouger. Donc voilà, on a misé sur le sport, puisque c'est quelque chose qu'on a remarqué qu'ils faisaient pas tous, ni en club, ni à titre perso. Donc voilà, on a mis en place cet atelier pour créer une petite dynamique, que la mission locale soit pas juste un endroit où on vient faire ses démarches, faire son CV, demander une aide, mais aussi un endroit où on rencontre d'autres jeunes et où on peut s'éclater. Ces ateliers vont avoir lieu combien de temps ? Ils sont encadrés par qui ? Alors, on essaye d'avoir deux ateliers par mois, c'est la règle à peu près. On va les avoir logiquement jusqu'à l'été prochain, l'été 2025. Et l'encadrement, bien, c'est un éducateur sportif diplômé d'État, hein, c'est Stiviano qui nous fait l'honneur donc d'animer ces groupes hein, sur le format de deux fois une heure par mois, donc comme je disais, sur soit du cardio, soit du renforcement musculaire. Là, aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est du body combat. Donc, mais voilà, tout ce qui est de près ou de loin peut amener à une pratique physique, une pratique sportive. Est-ce que des jeunes qui nous écoutent peuvent intégrer ces groupes-là en cours de route ? Il y a un roulement des participants ? Alors, pour l'instant, on n'a pas du tout de jauge, de limite. Là, par exemple, on a 21 jeunes là, qui sont présents sur le tatami aujourd'hui, dans la salle. Mais non, le principe, c'est être inscrit à la mission locale, numéro 1. Ensuite, une fois qu'on a la mission locale, on peut avoir, comme vous le savez déjà, avoir soit l'option d'être un petit peu là en dilettant, de venir chercher des aides de temps en temps, ou alors être accompagné en contrat d'engagement jeune avec vraiment un coach à soi. Et dans ce cas, il y a tout un programme avec un planning, dont le sport. Mais c'est tout à fait libre, il faut venir à la mission locale, se renseigner, et le reste va suivre. Et alors, comment on fait pour contacter la mission locale ? La mission locale, eh bien, c'est 22 place Richelieu, premier étage, 02 47 30 41 64. Merci Emmanuel et bon vent à vous, on vous souhaite tout plein de bonnes choses dans votre futur professionnel. Merci Marlène, on se reverra. Bonjour, je m'appelle Chloé et j'ai 22 ans, j'habite à Amboise. Donc inscrite à la mission locale depuis combien de temps ? Depuis le mois de mai 2024. Donc assister à cette séance aujourd'hui, ça t'a apporté quoi ? Tu es sportive déjà ou pas du tout ? J'essaye de l'être, mais c'est pas vraiment facile et honnêtement, j'ai bien aimé la séance. C'était une belle découverte, je connaissais pas du tout le body combat. Qu'est-ce qui est sympa dans ces moments-là ? C'est le collectif, c'est le fait de pouvoir être accompagné par un éducateur sportif pro, c'est tout ? Je dirais tout, l'ensemble qu'on est tous ici pour faire du sport et d'avoir un coach qui nous motive et qui nous permet aussi de garder la motivation jusqu'au bout. Et ça, ce type de séance, ça peut te donner envie éventuellement de faire du sport à côté ? Oui, complètement. Ça pourrait vraiment me motiver à tenir mes séances de sport que je ne tiens pas à la maison déjà. Mais c'est vrai que ça serait un grand avantage. Il y a un réel intérêt à pratiquer du sport. Parce que là, si aujourd'hui on vous propose ce type d'activité, c'est aussi pour montrer que bah voilà, c'est d'être bien dans son corps, pour être bien dans sa tête peut-être ? Oui, complètement. J'ai l'impression que ça m'a vidé l'esprit. Et je suis contente d'avoir fait cette séance. Enfin, je repars en tout cas avec un bon mood. Je me sens bien dans mon corps. Et je pense que ça pourrait aider beaucoup de jeunes qui parfois ne pensent pas forcément à faire du sport quand ça ne va pas. Et bah, ça se voit en tout cas, Chloé. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Merci à vous. Alors bonjour, je m'appelle Stéviano Batno, donc je suis éducateur sportif depuis 2019. Donc je fais ce métier-là par passion, donc je travaille du coup aux OCA d'Amboise. Je suis aussi à mon compte, donc j'ai mon studio de coaching sur Bléry. Et ensuite je donne aussi des cours à l'hôpital pour le personnel, donc ça c'est en collaboration avec les OCA. Donc du sport H24. Exactement, oui. Donc après il faut trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais voilà, donc, c'est vraiment faire un métier de passion, donc c'est... Qu'est-ce que le sport développe, là, par exemple, pour tous ces jeunes qui sont en recherche de formation, d'emploi? Qu'est-ce que ça leur apporte, finalement, la pratique du sport? Oui, tout ce qui est le sport, donc ça rapporte du coup des valeurs, tout ce qui est confiance, le dépassement de soi, de se découvrir aussi, de découvrir qu'on adore le sport. Donc ça fait aussi du bien donc, mentalement, physiquement, et ça peut aider les jeunes à trouver du travail, à avoir plus de confiance. Voilà, donc c'est vraiment ça le but de ce projet-là, donc c'est vraiment de motiver les jeunes, de ne pas abandonner, de... voilà. Et puis il y a tout l'aspect collectif aussi. Exactement. Donc le fait d'être en groupe, donc ça permet vraiment d'avoir une bonne cohésion, une bonne énergie, et aussi communiquer avec les autres, parce qu'ils ne se connaissent pas les jeunes, donc ça permet voilà, d'avoir plus d'affinité avec certaines personnes, d'échanger, de communiquer. Voilà, Puis j'imagine que quand on est sur des temps comme ça d'initiation au sport, on évoque aussi tout plein de choses comme tout ce qui va avec, à savoir l'alimentation, saine, etc. Aussi l'occasion, ces moments-là, d'échanger avec eux. Exactement, donc leur donner aussi mes connaissances. Ouais. Donc là, tout à l'heure, par exemple, il y avait un jeune qui s'appelle Baptiste, donc il avait du coup une douleur au niveau du genou. Donc j'ai pu le renseigner par rapport à cela. Donc quand il fait une flexion du genou, donc il a mal au niveau du tendon ici, donc au niveau des ligaments. Donc je pense que c'était au niveau du syndrome de l'essuie-glace. Donc j'ai pu lui donner des conseils. Donc là, il va retravailler ça d'ici quelques semaines et du coup, il me fera un retour si ça va beaucoup mieux. Voilà, donc vraiment transmettre le savoir, les connaissances, partager en fait. Vous avez un public large parce que là, c'était des jeunes, mais Daniel m'expliquait, vous intervenez aussi en EHPAD, alors auprès des équipes qui s'occupent. Mais je veux dire, c'est le sport, c'est à n'importe quel âge. Exactement, donc il n'y a pas d'âge pour reprendre le sport, donc on peut reprendre n'importe quel âge, donc c'est ça le but. Hein. Tout le monde peut reprendre le sport à tout moment, donc il faut motiver tout le monde à pratiquer du sport, c'est hyper important. Que ce soit de la marche à pied, courir un peu, c'est comme du sport, donc il faut bouger. Le corps est fait pour bouger, donc il faut y aller et puis... Ouais, on dit des fois que le mot sport fait peur et qu'on parle plutôt d'activité physique, puisqu'une petite marche d'un quart d'heure, c'est du sport. Oui, exactement, donc ça permet aussi au niveau du cœur. Donc le cœur, c'est un muscle, donc il faut aussi le renforcer. Donc ça peut être de la marche rapide. Ouais. Donc voilà, il faut vraiment bouger régulièrement pour aussi éviter des douleurs au dos. Parce qu'il y a souvent des métiers sédentaires, on est beaucoup assis dans les bureaux. Et ça, malheureusement, donc il faut toujours bouger, travailler sa mobilité. Stéviano, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux jeunes qui éventuellement viendraient rejoindre ce groupe que vous proposez d'animer? Oui, donc il faut croire en soi, il faut essayer, il faut découvrir, il faut aussi sortir de sa zone de confort. C'est dans l'inconfort qu'on découvre des choses sur nous-mêmes, voilà. Donc le but, c'est vraiment de gagner en confiance. Donc rejoignez cette équipe. Exactement, oui. Donc vous avez, tout le monde est bienvenu dans cette équipe, donc on vous attend tous. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Les ateliers sportifs de la mission locale Loire-Touraine donnent l'opportunité à tous ces jeunes inscrits de découvrir de nouvelles activités physiques et de se dépasser. S'adressant aussi bien aux débutants qu'aux confirmés, les séances ont pour vocation de permettre la découverte de disciplines sportives, la cohésion de groupe, la confiance en soi et bien d'autres qualités qui les serviront indéniablement pour leur entrée dans la vie active. Si vous aussi, vous avez envie de participer, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe de la mission locale Loire-Touraine au 02 47 30 41 64. On les remercie d'ailleurs de leur invitation et de leur accueil toujours chaleureux. C'est la fin de ce mag. Bonne écoute de la suite des programmes sur Radioactive. Moi, mon nom, c'est Smoky. La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis pour donner un peu d'air. C'est clair, la route est longue à ce qu'on dit pour plaire au monde et à n'importe qui. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Faut pas que je force, que la vie soit facile. Je veux faire de l'or sans bouger mon nombril. Me donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. J'ai rendu à mes amplis pour plaire aux cailles, éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport.